Chapitre 277, l'interdiction de la trahison. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Sourate 5, verset 1. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Sourate 17, verset 34. 1584. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quatre caractéristiques font de celui qui les réunit toutes un véritable hypocrite. Et s'il n'en possède qu'une seule, il se sera doté de l'une des caractéristiques de l'hypocrite jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. Et quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse, et quand il se dispute, il devient injuste. Al-Bukhari et Muslim. 1585. Selon Ibn Mas'ud, Ibn Omar et Anas, radiyallahu anhum, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque trahit portera le jour de la résurrection un étendard dont on dira: ceci est la trahison d'un tel. Al-Bukhari et Muslim. 1586. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque trahit portera le jour de la résurrection un étendard sur le derrière. L'étendard sera élevé selon la gravité de sa trahison. Et y a-t-il pire trahison que celle d'un souverain contre son peuple? Muslim. 1587. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah dit, je serai le jour de la résurrection l'adversaire de trois types de personnes. Celui qui, en mon nom, prend un engagement puis le trahit. Celui qui vend un homme libre puis consomme l'argent ainsi obtenu. Et celui qui emploie un travailleur qui accomplit sa tâche puis refuse de lui payer le salaire convenu. Al-Bukhari